partie civile en vivant et en direct dans les studios. Bonsoir les gars. Bonsoir à vous. Salut. Bien, vous nous venez de l'autre côté de Paname. Ouais. Petite mission ce soir là, traverser Paris pour venir jusqu'ici à Valley FM dans les studios du Wagwan. Avec bienvenue, plaisir. C'est la première fois qu'on se croise. C'est vrai. Partie civile, je vais vous laisser vous présenter. Et puis après on viendra un petit peu sur l'historique rapidement du groupe. Ok. Et puis après avec l'actualité avec le gros up qui est dans les bacs. Eh ben très bien. Alors Partie Civile, c'est un groupe reggae des Yvelines, côté Saint-Germain-en-Laye. 4 ans que ça dure, la sauce commence à prendre tout doucement, hein. il faut du temps. Ouais. Donc il y a Hervé vous, à la vous êtes nombreux, oui. On a été très nombreux, on l'est un petit peu moins aujourd'hui, on le sera peut-être encore demain, je sais pas vraiment, ça va, ça vient. En attendant, bah, y a Hervé à la batterie, il y a Jérémy à la percu, Skanky au clavier, Stanley à la basse, moi Momo au chant, Yann à la guitare et Olivier qui a un deuxième clavier qui intègre tout doucement. Il n'est pas encore complètement dedans, mais d'accord. Petit à petit, voilà. Donc, il intègre le groupe. Petit à petit, il intègre le groupe et on travaille dans le sens, dans le bon, j'espère. D'accord. Voilà, tout simplement. Toi, Momo, tu viens de... Avant d'avoir... Avant que tu fais partie de Partie Civile, avant ça, t'as une avant historique. Ça, oui, j'ai été aussi dans la formation New Time Style. New Time Style, c'est la première formation de laquelle je vais faire partie et avec qui va durer quelques années. On va sévir un peu dans le coin des Yvelines là-bas. On va laisser une petite trace, pas grande, mais ça va, honorable. Une expérience en tout cas. C'était une expérience pour nous. Avec Hervé, il était là. Hervé est arrivé alors il y a eu un début, ça a duré 4-5 ans avant qu'Hervé arrive. Et donc de cette formation qui s'appelait New Time Style, on va en faire la deuxième version, c'est-à-dire New Time tout court 2.0. Voilà. L'update. Et puis il va s'écouler du temps. On va en faire un peu une école pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de musiciens qui ont fait partie de New Time, qui sont passés par là. On va faire un peu une école, en tout cas la mienne, personnellement, c'est là où je vais apprendre à chanter doucement, voilà quoi. Même s'il me reste encore du boulot à faire, voilà, c'est là où je vais apprendre. Voilà, ça va être mon premier groupe, ma première école de groupe, et petit à petit, on va arriver sur la partie civile quelques années après. Avec des membres qui ont fait partie et de New Time Style et de New Time. Et voilà, on va essayer maintenant de mener la partie civile encore plus loin, parce qu'on a pu mener New Time avec une autre expérience. D'accord. Tout simplement. Donc, partie civile, c'est Grow Up. C'est dans premier les album sous le nom de Partie Civile, donc. Alors on est encore en train de travailler sur la promo de cet album. On est encore, pas encore dans les bacs. Bientôt, on espère que ça d'accord. va arriver. Donc il y a encore des choses. On a la à chance faire. De l'avoir nous physiquement dans les mains là, mais c'est pas encore. C'est bientôt dans. C'est bientôt. On va travailler là-dessus. Donc en tout cas, c'est en téléchargement. C'est en téléchargement. Les gens peuvent l'écouter. Voilà, d'accord. Et doivent l'écouter. Doivent nous donner leur avis là-dessus, de manière à ce qu'on on prépare le prochain encore mieux quoi. Donc yes. Oui, vous devez l'écouter les gens, vous devez nous donner votre avis et sur notre travail de manière à ce qu'on progresse. Tout fait maison. Le mix, Déjà avec une grande aide du Bard Atomic que vous avez reçu il y a quelques temps. Yes. Et d'ailleurs si on est ici, c'est un gros big up à Jean-Claude Coulonge des Vinyles qui répète là-bas et et qui quelque part à travers le Bard nous a amené jusqu'ici. Et en fait on a eu un échange de services avec le Bard Atomic. J'amène du matériel d'enregistrement, il fournit des locaux et on peut enregistrer, et lui il a un système d'enregistrement qu'il peut proposer dans ses locaux. Donc ça c'était le début de l'entente. Ça a permis à tout le monde de travailler. Exactement, il n'a pas de sous, nous non plus. Donc il faut qu'on avance. Donc on avance comme on peut avec les moyens du bord. Et puis on fait au mieux avec ce qu'on a. Et ce qu'on a n'est pas négligeable. Donc, ce qu'on a n'est pas négligeable. Donc, sûr. Ça va. Les locaux sont super. Voilà, des locaux super. Un gérant super gentil, super cool qui vous. Ah, vous êtes bien posé pour bien bosser. Quoi. Franchement, dans le coin de chez nous, je pense que c'est l'un des rares endroits où on aurait pu avoir l'ambiance qu'on a eue pour travailler. Et puis surtout, c'est à ma connaissance le seul endroit où on peut faire ce genre d'échange. Voilà, le gars c'est un passionné, donc il n'est pas en recherche de finances, même s'il est très regardant sur sa compta parce qu'il n'est pas subventionné, hein, donc il est tout seul dans sa culotte. Ouais, puis il faut entretenir le matériel. Voilà. Donc si nous, quelque part, on peut l'aider et qu'il nous aide et qu'on s'entraide et qu'on finit par démarrer les choses un peu. Voilà, c'est Système D. On s'est rencontré à un moment avec lui où nous, on cherchait des locaux pour travailler. On avait un local, avant de le croiser, on avait un local qui commence, voilà, tu connais, hein, associatif. On essayait d'avoir un créneau, d'avoir un peu de matériel, d'avoir les clés au bon moment. Ouais, c'est un peu faut se battre. Voilà, et Laurent est quelqu'un qu'on va trouver avec justement ce qu'on avait besoin, c'est-à-dire des locaux, du matos, quelqu'un pour gérer le matos qu'on n'avait pas avant. Et donc on va le rencontrer peu de temps après qu'il démarre son aventure. Et il était... C'était clair qu'il fallait qu'on fasse non seulement un bout de route avec lui, venir travailler chez lui parce qu'il avait ce qu'il fallait, et en même temps lui faire des choses avec lui parce qu'on pouvait et il nous en a donné les moyens. Merci à toi Laurent. Et merci encore parce que je me rappelle pas un jour avoir négocié quoi que ce soit au niveau argent avec toi pour faire ça, et ça c'est sympa. Voilà, on le big up en tout cas. Ouais, et puis c'est pas fini, l'aventure n'est pas finie, parce qu'en fait là on va sortir le live au bar d'Atomique, qui a été enregistré le 14 décembre, c'est la veille de l'enterrement de Nelson Mandela. Je le dis parce que sur l'album live il y a petit texte autour de ça, enfin d'accord, une petite dédicace, et on pourrait se dire mais pourquoi il parle de lui, c'est parce que c'était la veille de son enterrement. Voilà, c'était la veille de son enterrement, c'était partout sur BFM TV, sur toutes les radios, où tout le monde parlait de ça, c'était malheureusement et heureusement aussi parce que la nature aussi doit faire son travail, et l'homme était vieux et c'était donc la veille de son enterrement, il fallait à tout prix rappeler tout le travail qu'il a fait, tout ce qu'il a représenté d'une manière ou d'une autre. Donc il y a une petite insistance sur le fait que... On s'écoutera un morceau du live, Peut-être pas celui-ci, mais on s'écoutera un morceau avant le live du Wagwan. Avec plaisir. Donc Partie Civile, là, c'est anglais et français. Là on s'est écouté In the Ghetto. In the Ghetto, alors j'ai... beaucoup influencé par le reggae jamaïcain, ça laisse des traces. Normal. Donc, qui ne l'est pas. Voilà. Ouais, normal, ça vient de là-bas. Quand je dis le reggae jamaïcain, je fais un petit rictus, quoi. Ouais, c'est. Voilà, bon. Des noms. Mes influences, ça serait. Alors, moi, je parle beaucoup de Steeples. C'est vraiment le groupe qui m'a... Enfin, j'ai adoré le reggae comme beaucoup de gens, j'ai adoré le reggae, mais Steel Pulse, c'est vraiment le groupe qui va me faire... qui va me donner envie de travailler le reggae et... Envie d'en faire, quoi. Envie d'en faire, j'avais déjà l'envie d'en faire, mais il y a ce côté reggae vachement travaillé qui m'a donné vraiment envie de me mettre au travail, quoi. Yes. Voilà, Steel Pulse, merci à vous. C'est riche, c'est riche. Steel Pulse font vraiment un reggae riche, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Donc on n'essaie pas de le ressembler, loin de là. On essaie d'avoir notre identité et il y a cette influence d'un peu tous les grands Jamaïcains. On va pas citer les Marley, ça serait complètement... Voilà. Il y a les Burning Spear, il y a Todd Ward, il y a tout. Moi j'ai 42 ans et je fais partie de cette génération un peu les anciens, quoi. Donc voilà, il y a toutes ces influences. J'ai beaucoup aimé un tas de choses. Alpha Blondie, Grégory Isaac, voilà. Tu connais la liste. On parle de reggae, on va s'écouter reggae music. Eh ben très bien. C'est sur l'album. Voilà. Allez, on s'envoie ça.